On va parler de baseball. On sait que les Capitales de Québec ont pas joué. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas joué les Capitales de Québec. Ça va faire 2 ans bientôt. Et on va parler avec le président Michel Laplante. Puisque j'ai vu passer un article ou un reportage télévisé de Stéphane Turcot la semaine passée sur TVA, que les Capitales pourraient être menacées. Quoi qu'il en soit, pour en avoir leur juste, on parle avec le président Michel Laplante. C'est Michel. Salut. Michel, hier, il faut dire que vous avez eu une belle nouvelle de 200 000 $. Évidemment, c'est une subvention de la Ville de Québec. Évidemment, ça ne couvrira pas toutes les pertes, là. Mais dans l'ensemble, est-ce que ça va aider? Absolument. C'est un beau signal de la part de la Ville qui, en passant, n'est pas présente dans le dossier pour nous soutenir seulement depuis hier, depuis l'annonce. Oui. On sent que quand on a voulu retaper le stade pour créer plus d'entrées dans les normes là, de la santé publique en juin et en juillet. Ils étaient avec nous, ils nous ont aidés dans tout ça. Puis je dirais là, que depuis ce temps-là, le maire là, fréquemment demandait comment ça se passe. Puis il nous a assuré que pour lui, c'était primordial que les Capitales restent. Ça avait... Parce que l'impact est pas seulement sur l'équipe de baseball. Donc l'équipe de baseball a aussi la gestion avec le complexe de baseball Victoria de l'ensemble de toutes les activités du stade. Tu sais, on est l'occupant seulement à 12% du stade en tout en termes d'heures. Donc, il y a un autre 80-90% qui est occupé par toutes sortes d'événements amateurs de balles, oui, du baseball, du softball, mais aussi du soccer, de l'ultimate frisbee. Donc, c'est plus que seulement les Capitales. Puis, comment je pourrais dire ça? Cet écosystème baseball-là est super important. Il est bien balancé, il est bien équilibré. C'est sûr qu'il a été ébranlé par la pandémie, comme plusieurs autres entreprises. Puis il faut s'assurer que quand tout ça va être terminé, qu'on soit encore en selle pour continuer à administrer tout ça. Effectivement. Puis là, il faut dire que vous passez à la Ligue Frontier également. Donc ça, c'est une augmentation du budget aussi, là. Ça aussi. Oui, là. Effectivement. Oui, effectivement, qu'il y a tout ça en ligne de compte. C'est pas des grosses augmentations, mais non, je dirais que tout ce qui était budget à prévoir, qui s'en venait dans les prochaines années ou qui a été dépense avant l'année COVID, c'est des dépenses qu'on est capable d'assumer. Nos propriétaires ou nos mécènes qui viennent aider les Capitales dans une perte de 40-50 000 $ par année. Dans les 20 dernières années, il n'y a jamais eu de demande de subvention. Donc, c'est quelque chose qu'on est capable d'assumer, puis c'est une façon de redonner à la communauté, puis ça, puis c'est bien correct. Quand on parle de 450, 500 000 de pertes, on a une saison à présenter qui sera probablement pas à pleine capacité, qui va encore amener des pertes, ben là, il faut de l'aide. C'est pour ça que M. Tremblay a levé la main la semaine passée, puis on le fait même par le passé, on va avoir besoin d'aide de la Ville, du gouvernement du Québec pour passer à travers tout ça. Mais par contre, le dessin qui s'en vient de tout ce que ça va devenir dans les prochaines années, ça risque d'être vraiment le fun pour tout le monde, donc ça faudrait la peine de ne pas le perdre. OK. Dis-moi si on parlait un peu, donc 200 000 hier, est-ce que c'est pas suffisant, j'imagine? Non, c'est pas suffisant, mais c'est un méchant beau signal. OK. Ça veut dire que la Ville appuie ce que les Capitales font. Ils ont les Capitales à cœur pour les citoyens et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est fait de façon raisonnable. C'est 1 $ pour 1 $, donc oui. La Ville met 200 000, mais le groupe Verdure vient réinjecter 200 000. Donc, il y a un bel équilibre autant là, pour la fan des Capitales que le citoyen dans tout ça. OK. Donc, il reste à peu près pour dire... c'est sûr que vous avez, les commanditaires, l'économie est tellement hypothéquée à cause du COVID que ça aidera pas, là? Non, c'est ça. C'est très dur à mesurer. Dépendamment de la saison qui s'en vient avec le nombre de spectateurs ou pas, on ne sait pas comment ça va fonctionner. Donc, c'est très dur de... On sait qu'on a à peu près un demi-million de pertes jusqu'à maintenant, mais ça va ressembler à quoi dans cette saison? C'est sûr que, bon, dépendamment, est-ce qu'on présente à 25%, est-ce qu'on présente à 10%, à 50% de spectateurs? Mais les pertes qui s'en viennent, comme je disais, il y a une partie que les propriétaires sont capables d'assumer, sont prêts des fois à le faire, mais il faut que ça demeure dans le côté raisonnable. OK. Donc, on va suivre ça de très très près. Là, la Ligue Frontier, ça dit quoi là, à l'heure actuelle? Est-ce que c'est est-ce qu'il va y avoir une saison? Est-ce qu'on y va combien de matchs? Tu dois être en négociation avec plusieurs personnes aussi? Oui, absolument. Encore un meeting justement cet après-midi. Dans le sens que la Frontier avance comme une saison normale. Okay. Bon, les Américains vaccinent à plus d'un million par jour. On a vu l'annonce hier que les Penguins de Pittsburgh vont pouvoir présenter, je pense, c'est 15 ou 20 % de maintenant de dans l'aréna au hockey. Puis on est seulement là le 1er mars. Donc, ce que les propriétaires américains anticipent, ça vaut ce que ça vaut parce que tout le monde se trompe depuis le 15 mars dernier, mais ce qu'ils anticipent, c'est que le vaccin fasse son travail encore, qu'on diminue le nombre de cas, puis qu'on soit capable de présenter au plus haut niveau, au plus haut pourcentage possible quand on va être rendu le 1er juin. Peut-être que durant la saison, ça va s'améliorer. Donc, là où on est très chanceux, c'est que la solidarité est là de la part des propriétaires américains qui ont décidé de nous placer à l'intérieur de leur calendrier. Donc, il aurait pu parfaitement dire cette année, étant donné qu'un doute au niveau de la frontière, on ne jouera pas avec vous, on se revoit en 2022. C'est pas ça qui est arrivé. Il a dit non, on est solidaire dans tout ça, on est des collègues, on vous place dans le calendrier, quitte à ce qu'on se ramasse le 15 mai, puis que le gouvernement du Canada ouvre encore les frontières, qui doivent tout rechanger leur calendrier au complet. Puis c'est le risque qu'ils ont pris en nous incluant dans leur calendrier. Je trouve ça vraiment bon joueur de leur part. Puis c'est vers ça qu'on s'en va. Nous autres, c'est 96 matchs cette année avec eux. On commence autour du 1er juin, puis ça nous amène jusqu'à la mi-septembre. Baseball, t'as-tu d'autres signatures? Ben, c'est plus Pat Scalabrini qui s'en occupe, mais t'as-tu des signatures qui s'en viennent? Je pense, et dans la Ligue Frontier également, ça serait-tu quelque chose qui s'en... qui des gros noms? Je pense à un gars comme Edwin Encarnacion, qui n'a pas trouvé encore de domicile. Ce serait un bon fit, ça, dans la Ligue Frontier. Ça ferait parler de la Ligue, et ainsi de suite. Puis toi, comment ça va avec Manny Ramirez? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas retravailler? Ben, c'est sûr que oui, on va le retravailler. Mais tu sais, on est un an plus tard. C'est sûr que les équipes canadiennes, présentement, ben il y a une incertitude. Parce que, tu sais, les joueurs les joueurs qui font l'équipe des Capitales année après année, ça vient de partout dans le monde. Hein? Il y a des années qu'on a 7-8 différentes nationalités dans la même équipe. Je pense, en tout cas, il va falloir en reparler à Pat, mais c'est plus difficile un peu parce que le joueur, pour venir jouer au Canada, sans savoir si on va jouer, sans savoir s'il va être capable de traverser la douane, ben c'est quelque chose qui peut être un peu plus difficile pour Patrick présentement. En tout cas, c'était le cas quand je lui ai parlé de ça il y a quelques semaines. Donc, mais tu sais, on est toujours, quand on parle d'Encarnacion ou de ces joueurs-là, on reste toujours à l'affût de ça. On aime ça présenter ce genre de joueurs-là. Mais encore une fois, il faut que le joueur soit en forme, que s'il décide de venir jouer, c'est avec la bonne intention de vouloir retourner dans le baseball majeur, pas juste devenir je sais pas, moi, prendre ça pas à cœur. Un gros nom qui se présente au bâton, mais qui marche quand il s'en va au premier but et qui bouge pas beaucoup, c'est très, très, très décevant aussi. Ouais, fait qu'il faut être prudent de ce côté-là. Mais tu sais, un gars comme Carnassonne qui veut jouer dans le baseball majeur, ça, c'est un nom. Puis même, et dans le cas de Manny Ramirez, il joue en Australie aussi cet hiver. Je sais pas comment c'était. Oui, exactement. Je sais pas comment c'était. Deux petits points que je veux te parler, Michel, puisque j'étais en bout de ligne. La semaine passée, j'ai fait une entrevue avec un jeune entrepreneur de Québec qui s'appelle My Sweet Home. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui, là. Frédéric Mondou, qui a lancé son entreprise pour aider la performance de jeunes joueurs de baseball de façon virtuelle. Est-ce que tu as entendu parler de ce concept-là? Il a dit qu'il a rencontré Pat là-dessus. C'est quelque chose Oui, absolument. Je ne connais pas le concept en profondeur, là, mais oui, j'ai... T'as-tu confiance à ça, Michel? Ça fait longtemps que tu es là-dedans. T'as-tu confiance que le virtuel pourrait améliorer la performance d'un jeune joueur? Écoute, il y a des études qui disent que non, il y a des études qui disent que oui. C'est partagé. J'étais là-dessus justement la semaine passée avec un ami. On regardait justement des nouveaux concepts comme ça. Puis les résultats sont parfois bons. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Parce que le baseball, il y a du baseball de situation aussi. Hein. C'est un sport de situation aussi. Le virtuel ne t'emmène pas nécessairement à ça non plus. Là. Ben, écoutez, faites juste regarder là, les programmes avec la Formule 1. On embarquait dans du virtuel. Ouais. Et ça n'a pas eu d'impact si positif que ça sur les coureurs ou ce que la profondeur face à l'œil puis toute la perception, tout ça, il y a quand même ses limites présentement. Est-ce que dans quelques années, ça va être encore plus avancé puis ça va aider encore plus? Mais non, moi, je suis pas contre toute la nouvelle technologie, puis d'aller à l'étude de tout ça. Il va toujours falloir, par contre, comment je pourrais dire ça? On a le plus bel exemple en tennis. Okay. Vous avez Federer, Djokovic, Nadal qui sont au top. Ben, dites-vous que ça fait 15 ans que les jeunes qui ont aujourd'hui 22, 23, 24 ans, qui ont été numéro 1 au monde junior, qui les affrontent, ben, ils sortent du terrain puis ils se font écraser 6-2, 6-1. Puis ils ont probablement tout utilisé la technologie pour aller voir tout au ralenti ce que les autres font, le geste, tout ça. Puis à un moment donné, ben, il y a une question de talent, de rigueur, de persévérance. Il y a des facteurs que la technologie n'est pas capable des fois d'amener et de comprendre. Il reste que tu vas capter l'attention d'un jeune, par exemple, parce que les autres sont nés dans le virtuel. Oui, exactement. Non, je pense que ça a sa place. C'est sûr que moi, je tente de. Je tente le plus possible de sortir les jeunes du virtuel et de tout ce qui est écran et les amener sur le terrain. Par contre, si ça ne diminue pas le nombre d'heures sur le terrain et que ça fait juste amener un plus au développement du jeune, ben tant mieux. Ben, c'est exactement dans ce sens-là que je posais ma question. Dernière question que je veux te poser, Michel. Écoute, t'as fait une sortie cet automne pour redonner du sport aux jeunes. T'es pas sans savoir qu'elle allait avoir une marche dimanche. Est-ce que tu appuies ça? Est-ce que tu appuies Zach Pépin dans cette démarche au départ? Parce qu'on voit plusieurs sportifs à Québec, là, Philippe Boucher, Simon Gagné, Donald Teach qui vient de sortir. J'ai hâte que Patrick sorte de sa tanière un peu. Patrick Arroy, me semble que ça fait une belle sortie. Est-ce que toi, tu appuies ça? Certainement, si tu vas avec ce que tu as fait, ta sortie de cet automne, normalement, tu devrais appuyer Zach aussi. Écoute, complètement, dans le sens que, tu sais, je veux dire que... C'est pas comment je pourrais dire ça. Je suis pas en faveur de l'activité physique seulement dans la situation de COVID présentement. C'est un combat que je mène depuis des années par conférence puis par tenter d'influencer le plus possible les politiciens. Je veux dire, pour moi là d'avoir seulement deux cours d'éducation physique à tous les 9 jours présentement, ça a aucun bon sens. Ça avait aucun bon sens avant la COVID. Ouais. Donc je pense que c'est plus l'ensemble de la société qui doit comprendre que l'activité physique, le sport, ben c'est de la prévention. Puis le sport là, c'est tant qu'à moi, c'est pas assez large. Les gens qui comprennent pas, ils disent le hockey puis le baseball. Non, c'est plus large que ça. C'est tout ce que ça amène pour un jeune. Puis moi, je parle d'activité physique, puis de désir d'aller à l'école parce que il y a tout ce volet-là qui vient avec tout ça. Donc, pour le décrochage scolaire, puis je mettrai à travers ça la santé, le bien-être, tout ça. Donc, pour moi, ça va ensemble, tout ça. Fait que là, c'est pas une cause que juste dans le cas de la COVID, ici, c'est dans l'ensemble. Je pense qu'on doit... On doit repenser notre façon de faire. On doit encourager le plus possible. On doit s'assurer qu'on a des infrastructures qui sont capables de suivre toutes les rêves qu'on a et ces intentions-là qu'on a de faire. Puis on fait pas assez attention. On parle de prévention constamment puis de faire attention aux problèmes d'obésité et tout ça. Puis on devrait aller retourner à la source et dire bon, mais faudrait que nos jeunes bougent plus en général, puis trouver des façons de les faire bouger plus. C'est sûr que les choix qui sont faits présentement dans la pandémie, moi j'aurais souhaité que les jeunes bougent plus que ça. J'aurais souhaité qu'on ait plus d'ouverture à tout ça, parce que je pense que c'est l'avenir. Maintenant, nous, au niveau des communications avec la santé publique, avec le gouvernement au niveau de la Fédération de baseball, les liens sont bons. Les gens à qui on parle, l'écoute est bonne. L'an passé, on était capable de présenter du baseball l'été passé. Écoute, on a eu, je pense, au-dessus de 75% de notre membership de l'année précédente, puis on a été capable de présenter du baseball. C'était encore une fois, l'écoute était là, le dialogue était bon. Donc, les gens qui étaient avec nous, on n'a rien à dire contre ces personnes-là. Donc, écoute, tant mieux si on est capable de faire avancer les choses, mais ça sera pas. Il faut pas que ce soit une marche. Ça fait un an. Ouais, exactement, mais faut qu'on le fasse encore après, puis qu'on continue de mieux se positionner dans tout ça. Puis pour soit la prochaine pandémie. Puis s'il n'y a pas d'autres pandémies, là, bien de valeur, mais il faut que nos jeunes bougent plus dans l'ensemble, puis il faut que il faut que dans le système d'éducation, on comprenne que ça a une importance capitale de mettre l'accent un peu plus fort sur tout ça. OK. Michel, gros merci. Au plaisir de se parler. On va se reparler certainement durant la saison des capitales. C'est bon, merci. Notre ami Michel Lapin.